Le sous-gonflage nappe pneumatique peut entraîner une usure irrégulière, réponse A, un éclatement, réponse B, un bruit de roulement anormal, réponse C, une contravention, réponse D.